descendu dans mon jardin pour cueillir le romarin, pour écouter le rossignol et le voir prendre son envol. Le rossignol était parti, le romarin était cueilli. Dans les ronds, c'était l'oiseau lyre, sa plainte encore me déchire. Il a chanté la nuit entière, il a chanté pour notre terre. En son langage, il nous disait ce que tous les oiseaux taisaient. Il nous disait, voici venus les temps étranges où les hommes auront peur des anges et même leurs démons lassés ne pourront plus s'en amuser. Voici le tambour des guerriers que le rama a déjà quitté et leur cadence mécanique, rythme des vies mélancoliques. Dans le paradis saccagé, dans l'enfer même déserté, erre des âmes enfin lucides qui comptent plus une terre vide. Que chantes-tu, bel oiseau lyre? Ne parles-tu que pour maudire? Oiseau prophète de malheur, de ton chant faut-il avoir peur? Le rossignol était plus gai, de guerre jamais ne parlait. Les yeux fermés sur la misère, jamais ne chantait la colère. Il chantait l'amour et le vin, insouciant des lendemains. Il n'écoutait que son plaisir, il ne suivait que son désir. Que son plaisir, que son désir. Le rossignol s'en est allé, chercher ailleurs où se poser. Le vin tiré s'est répandu, l'amour quelque part s'est perdu. Que nous reste-t-il à chanter des lendemains désaccordés? La terre est malade des hommes qui prennent bien plus qu'une donne. Poser le regard sur le monde, il s'effrite à chaque seconde. Et les enfants de la violence dansent là leur dernière danse. S'est envolé et ses ailes étaient déchirées. Le jardin dormait sous la pluie, doucement s'achevait la nuit. Une fleur ouverte au soleil lentement sortait du sommeil. Dans les herbes, un grillon chantait. En son langage, il nous disait, même à l'air, on se porte des fruits. L'avenir n'est jamais écrit. Il est toujours temps de choisir pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur ou pour le pire. Quitter les villes et les cités, les murs vont bientôt s'écrouler. Laisser les vents de la folie repeindre aux couleurs de la vie. Le ciel trop gris de nos passions, le grand désert de nos raisons. Que l'amour souffle sa caresse sur les cendres de la sagesse. Laisser souffler les vents nouveaux, laisser chanter tous les oiseaux. Ils chantent les chants de la terre, qu'ils soient d'amour ou de colère. Ariririrunara.